Rastignac arriva rue Saint-Lazare, dans une de ces maisons légères, à colonnes minces, à portiques mesquins, qui constituent le joli à Paris. Une véritable maison de banquier, pleine de recherches coûteuses, de stucs, de paliers d'escalier en mosaïque de marbre. Il trouva Madame de Nucingen dans un petit salon à peintures italiennes, dont le décor ressemblait à celui des cafés. La baronne était triste. Les efforts qu'elle fit pour cacher son chagrin intéressèrent d'autant plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de joué. Il croyait rendre une femme joyeuse par sa présence et la trouvait au désespoir. Ce désappointement piqua son amour-propre. « J'ai bien peu de droit à votre confiance, madame, » dit-il, après l'avoir lutiné sur sa préoccupation. « Mais si je vous gênais, je compte sur votre bonne foi, vous me le diriez franchement. »« Restez, » dit-elle, « je serai seul si vous vous en alliez. » Nucingen dîne en ville, et je ne voudrais pas être seul. J'ai besoin de distraction. Mais qu'avez-vous? Vous seriez la dernière personne à qui je le dirais, s'écria-t-elle. Je veux le savoir. Je dois alors être pour quelque chose dans le secret. Peut-être. Mais non, reprit-elle. C'est des querelles de ménage qui devaient être ensevelies au fond du cœur. Ne vous le disais-je pas avant hier? Je ne suis point heureuse. Les chaînes d'or sont les plus pesantes.